91 trop violent, un secteur chaud bouillant. Calibré, prêt à tirer depuis l'époque des brouillants. Ici les louveteaux se couchent tôt, mes vieilles louves sont sous coke. Sache qu'on peut pas se noyer comme Jacques-Yves Cousteau. Si si cousin, enfonce ton zizi tout fin dans le vagin de Christine Boutin. Méga cuisine la feu chenou. J'écris des raps nuisibles une fois que je me cuis à feu doux. Mets tes lunettes à flelou si tu vois pas que je prends de l'ampleur. Ou reste à genoux devant l'empereur. J'y dans tes pampers sous saigne dans ta All West. Dans le 9 y'a que des John Wayne qui pourraient plaire à Nolwenn. Encaisse les puanteurs. Ouais, tout design trop violent, laisse les putes en pleurs. C'est Evry, Grigny, Corbeil, les Ulysses, Riss, Orangis, unité de flamme, fils, faites place aux artistes. Trop violent, trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. 91 trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. Le bâtiment est plein à craquer. RER6, on vient pour braquer. Le rap français, on va le maquer. On veut le genre hardé mais jaqué. Comme Pablo Escobar, pas finir à la barre. Fuck le parquet. On se fait remarquer, avance qu'avec des tarpés. 91 Far West, on baisse les taspés. Trace la route, parle pas trop, on va starter. Y'a du shit, la cocaïne est derrière une grosse armée. Balance, t'es pas à l'abri de te faire cramer. C'est pour les frères bloqués au Heps depuis des années. Tous condamnés par la dalle et sa zermine. Tous les coups sont permis, tu blagues, on te termine. Y'a que des lascars, des vermines, des futurs Jack Messrine, tête dirty et des gaines de Rurty. C'est Mister Dino, Flo à la Pacino. Pousse-toi gros bolos, je veux faire des thunes comme au casino. 91 trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. 91 trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. La police pour aiser, les saucisses séchées vont payer le forfait. Un colis piégé au 36 quai des orfèvres. Prends le ticket vers l'enfer, je t'en fais une visite guidée, t'en auras une petite idée. Certains sont dans l'obscurité comme un Anakin. Pas de sable, juste une carabine pour le carjacking. Te braque, t'attire pendant les heures de pointe. Y'a plus qu'à partir avant que l'inspecteur se pointe. Si tu croises la gabardine de Colombo, évite son haleine puante de cannabis et de Cronenbourg. C'est qu'un sale raciste se prenant pour un Jackie Chan. Un star qui jale dès qu'on l'entoure. De Evry à Grigny, les stars tournent. Merci Sarkozy, la police est partout. Avec plaisir, elle vide ses cartouches. C'est Paris, loin de la jet set, le fric, les partout. 91 trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. 91 trop violent, cagoulé au volant. On baisse la bonne volante et tous ces putains de porcs insolents. Fils de gauche, on bombarde, casse-toi à droite, t'es trop lent. C'est pour les gros chargés à bloc qui viennent du riff roulant. La la la la.